Chers Thaï, chers amis, vous avez bien dormi. J'ai entendu quelques ronflements. Donc c'est bon signe. En chacun de nous, il y a plein de graines de semences. Et on a souvent tendance à ne voir que les graines qui nous sont douloureuses. Dans ma vie, j'ai souvent eu tendance à ne voir que le côté négatif des choses. Et c'est encore mon trait de caractère. Et pourtant, je suis très joyeux. J'ai plein de joie. J'ai plein de joie à offrir. J'ai plein de joie que je cultive sans m'en rendre compte. Mais j'ai eu souvent tendance à nourrir la souffrance. Thaï nous a enseigné une chose. La douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. Bien sûr, des douleurs, on en a plein. J'en ai eu plein. Et la souffrance, j'ai cultivé la souffrance de l'enfance. J'ai souvent pensé que j'ai pas de chance, quoi. J'ai pas de chance. Et cette souffrance-là est plus importante que tout. Pendant presque 20 ans, j'ai vécu tout seul. Heureusement, j'ai quelques amis. Que je vois de temps en temps. Et heureusement, je vais au village des poignets. Mais en dehors de ça, je vis reclus. Parce que la souffrance de l'enfance, je l'ai enfermée avec beaucoup de couvercles. Et on pense qu'on ne souffre pas. Mais elle est là. Et on vit de telle manière que surtout on ne veut pas toucher cette souffrance. Et je suis quelqu'un qui rit très facilement, qui plaisante très facilement. Mais ça a souvent été une joie pour masquer autre chose. Dans ce cas-là, c'est pas une vraie joie. Après quelques années au village des Poignets, environ 12-13 ans, j'ai arrêté d'aller au village parce que je m'étais marié et mon épouse n'est pas une pratiquante. Et j'y pensais que je ne veux pas l'obliger qu'elle subisse quelque chose. Et ce qui s'est passé, en fait, vous savez, après 13 ou 14 ans de pratique de la méditation, il y a des choses qui montent, qui surgissent. Et tant qu'on reste seul, ça reste bien enfermé, en fait. Mais dès l'instant qu'on commence à s'ouvrir avec quelqu'un, alors cette personne-là vous amène à toucher en profondeur et la pratique de la pleine conscience vous amène aussi à toucher en profondeur. Et pour mon cas, ce que j'ai d'abord touché, c'est les graines de colère, les graines de violence. Toute la nourriture que j'ai reçue quand j'étais petit, les graines d'angoisse, toutes sortes de graines de ce genre-là. Et j'ai su que ma joie n'était pas une vraie joie. À ce moment-là, je ne cultivais pas les graines de joie. Il n'y avait que ces choses-là qui étaient très fortes. Et il y a aussi l'idée qu'on est plus malin que l'autre. C'est nous qui avons raison. Et peu à peu, dans le couple, je ne vois pas les qualités de mon épouse. Et on ne cultive plus la joie, on ne cultive plus la paix. C'est la place à la guerre. Il a fallu arriver à des choses très fortes, très dures. Heureusement pour moi, pendant les 13-14 premières années, j'ai quand même pratiqué cette pleine conscience. Et j'ai eu la chance d'apprendre directement avec Thay, comme la plupart des plus anciens. Et on a appris des choses directement de maître à disciple. Et ces choses-là ont été une bouée de sauvetage. Ça m'a beaucoup aidé à transformer cette montagne. Et en fait, pendant les moments les plus difficiles, durant toute une période où je ne fréquentais plus le village, j'avais abandonné. Et dans ces moments les plus difficiles, je me suis rendu compte que j'étais en train de pratiquer la méditation. Et j'allais beaucoup à la campagne, dans le Cantal. Vous connaissez le Cantal ? L'Auvergne. Et je marchais beaucoup. Je marchais 2 heures, 3 heures. En fait, je marchais tant que j'étais pas fatigué. Et je me suis rendu compte que je marchais vraiment comme au village. Très lentement. Et quand j'entendais le clocher de l'église, je m'arrêtais, je respirais. Je me sens très bien. Et je me suis rendu compte que c'était là une manière de nourrir une vraie joie. De toucher au fond de soi ces graines, c'est une joie paisible. Bien sûr, il a fallu que j'aille dans la nature, vraiment dans la nature. C'est ce que j'aime bien, c'est pour ça. Et je sais que pour réussir dans la méditation, il faut faire quelque chose qu'on aime bien. Il ne faut pas se forcer à des pratiques qui ne nous plaisent pas trop. Pour moi, marcher, c'est ce que j'aime le mieux. Et dans la nature, si possible. Ces longues marches m'ont permis de toucher quelque chose de profond. Ce quelque chose de profond, c'est la souffrance. Mais c'est à partir de ce moment-là, cette souffrance n'est pas remonté comme quelque chose de destructeur. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment touché cette souffrance et je l'ai invitée dans mon salon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand la souffrance, on va la toucher et qu'on l'invite dans son salon, ça veut dire que on est pleinement conscient de cette souffrance-là. Et la pleine conscience englobe la souffrance, tout doucement, sans brutalité. Pour recevoir la lampe d'enseignant, j'ai écrit un poème. Les trois premiers vers parlent vraiment de la douleur, c'est très fort. Et les trois derniers parlent comment je touche ma souffrance. L'amour infini pénètre les cœurs, brise les chaînes de l'ignorance. Sur les cendres du désir et de l'avidité, germent les graines de la bienveillance. Quelques pas ont alors suffi pour toucher à la liberté, sans que rien ne bouge. Thay nous a souvent enseigné ces dernières années, vous pouvez toucher la liberté dès le premier pas. Bon, personnellement, j'y suis jamais arrivé. Il m'a fallu beaucoup de pas. Beaucoup. Beaucoup de balades. Beaucoup d'heures de promenade. Beaucoup de moments de détresse et de désespoir. Par contre, en tant que pratiquant, j'ai utilisé ces moments-là comme une force pour pratiquer cette pleine conscience. L'énergie du désespoir, c'est une énergie très forte. Et ce jour-là, peut-être un jour, j'ai compris que, au lieu de subir l'énergie, il faut l'utiliser. L'utiliser pour pratiquer la pleine conscience. Parce que pratiquer la pleine conscience de la respiration, des sensations, des perceptions, des formations mentales, de la conscience, ça demande une certaine énergie. Surtout quand c'est très chargé. Se réjouir du simple fait de marcher et de respirer, c'est toucher des graines de joie. C'est-à-dire, en faisant cela, on génère la joie. Ce matin, dans la méditation guidée, on a entendu ressentant de la joie d'être en vie, j'inspire. C'est pas bien facile, ça. Ressentir de la joie rien que du fait de faire une inspiration. Ça, c'est un travail, pour nous en tout cas, occidentaux, je pense que c'est un travail de longue haleine. Mais en fait, c'est vrai. Il y a longtemps, j'ai été opéré du nez. Et j'aurais pas dû accepter ça. Et donc ça a mal marché. Et depuis ce temps-là, je respire très mal. Mais quand mon nez arrive à se déboucher et que j'arrive à respirer une inspiration vraiment libre par le nez, oui, je ressens de la joie, c'est sûr. Parce que la plupart du temps, je suis obligé d'ouvrir la bouche pour respirer. Surtout pour dormir. Et quand j'ai au moins une narine qui se libère et que l'air entre librement je ressens de la joie. Je suis vraiment... Ça y est. Et j'apprécie ce moment-là à 100%. Je ne le laisse pas passer. C'est parce qu'on respire, bien sûr, on respire naturellement, machinalement. Et dans la méditation bouddhiste, on nous demande de prêter attention à cette respiration. C'est tout nouveau, ça. Dans un très ancien livre en français que Thay a écrit, c'est l'ancêtre de ce livre-là, Le miracle de la pleine conscience. Ce livre-là a été écrit d'après l'ancien livre. Corrigé par moi d'ailleurs. C'était le miracle, c'est de marcher sur terre. Rien que ce titre-là, c'était en 1982, quand j'ai vu ça, j'ai dit ça, c'est quelque chose pour moi. Parce que dans le titre même, le miracle, c'est de marcher sur terre, je sens déjà qu'on peut se nourrir de bonnes choses, quoi. C'est pas du tout dans le sens où on va revenir à une réalité dure. C'est vraiment dans le sens où on va pouvoir se réjouir de marcher, de respirer, de regarder une fleur, un paysage, des choses toutes simples. C'est vraiment dans le sens où, quand je vais regarder mon épouse, je vais voir toutes les belles qualités qu'elle a aujourd'hui. Alors qu'avant, je pensais qu'il n'y avait que moi qui était le mieux, qu'elle ne savait rien. Aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à voir que moi, je ne sais pas grand-chose. Et qu'elle, au contraire, est vraiment présente, alors qu'elle ne pratique pas. Je suis très souvent présent à la maison de l'Inspire. Au détriment un peu de ma présence à la maison. Et un jour, un ami vietnamien, un jeune, un étudiant, il m'a posé une question qui percute. Une question tout à fait juste. Et il m'a dit, mais alors si tu es souvent ici, ça veut dire que tu abandonnes ta maison. Et j'ai eu une réponse tout à fait zen. Et je lui ai dit, quand je pars de la maison pour venir au monastère, à la maison de l'Inspire, je nourris ma joie, je suis très joyeux. Et dès l'instant où je pars, je suis déjà à la maison de l'Inspire. C'est-à-dire, je suis déjà dans la pratique de la pleine conscience. Je ne marche pas à toute vitesse, je prends la voiture comme un dingue. Non, non, je pratique déjà avant. Et je lui dis, et le soir, quand arrive la fin de l'après-midi à la maison de l'Inspire, et que je sais que je vais rentrer à la maison, je suis encore plus joyeux. Parce que je vais ramener toute la nourriture que j'ai reçue, une nourriture de joie, de gaieté. Et je peux vous dire, les sœurs, elles ont beaucoup de joie. Et je vais ramener ça à la maison pour partager, cultiver des semences de joie en soi. Le meilleur moyen, c'est de les cultiver avec nos proches, directement. Et comment faire? Il ne faut pas regarder si vous avez des enfants. Il ne faut pas regarder les choses qu'ils font mal. Il ne faut pas penser qu'ils font les choses mal, en fait. Surtout les enfants quand il commence à entrer dans la vie. En fait, ils ont plein de souffrances. Ils ont plein de peurs. Et souvent, ils traduisent ça par de la colère, des paroles brusques envers les parents. Et quand c'est comme ça, on a envie de répondre aussi fortement. Nous avons un garçon comme ça. Et l'autre jour, en fait, je l'ai pris dans mes bras, directement. J'ai parlé avec lui, bien sûr, j'ai parlé, mais sans colère. C'était pas l'envie qui m'en manquait. Si j'avais laissé les choses faire naturellement, c'était ça qui serait remonté d'abord. Mais avant de parler, en fait, ça a été un vrai partage. Je l'ai amené à parler. Et il n'a pas pu. Il n'a pu que pleurer, en fait. Mais pleurer, c'est déjà un partage. Et donc, moi, j'ai parlé pour lui. Et bien sûr, j'ai touché les points où il a pleuré encore plus. C'est comme si j'appuyais sur des boutons. Et donc, au lieu de me mettre en colère, finalement, je l'ai réconforté. Et j'ai fait la méditation de l'étreinte avec lui. Parce qu'en fait, il souffre beaucoup. Il commence à se rendre compte que c'est vraiment difficile, la vie. Quitter le monde de l'enfance. S'assumer tout seul. C'est une étape difficile. Et donc c'est inutile dans ce cas-là de rajouter une couche de colère par là-dessus. Maintenant en famille, quand je suis là, ça ne marche pas à tous les coups, hein, mais le plus souvent, j'essaye d'être vraiment présent pour eux, quoi. Parce qu'on peut être à la maison ensemble et vivre comme des morts, comme des étrangers. Ça c'est très facile, tout le monde sait faire ça. Et donc être vraiment présent à la maison, être disponible quand on sent que l'autre personne a besoin d'attention, être disponible pour ça. Savoir arrêter tout ce qu'on fait, ou qu'on ne fait pas d'ailleurs, pour être disponible pour l'autre. Pour mon fils, c'est des choses très simples en fait, il a besoin de soutien. Il y a plein de choses nouvelles pour lui. Sécurité sociale, mutuelle, inscription de ceci ou inscription de cela. Trouver un travail saisonnier. Alors ça, c'est une aventure. Mais moi, j'ai la chance que c'est un garçon qui écoute assez bien. Finalement, c'est moi qui ai trouvé le travail. Mais c'est lui qui a fait la démarche. C'est moi qui ai juste dit, il faut que tu ailles à cet endroit-là, et ils vont te prendre, c'est sûr. Et il l'a fait, et il a travaillé. Et il était très content. C'est une manière de nourrir des graines de joie autour de soi. Et donc forcément, ça nourrit les miennes aussi. Et parfois, il y a des choses que j'aime pas faire. À la maison, ou avec mon épouse. Il y a des choses que j'ai du mal à supporter, bien sûr. Et quand c'est comme ça, j'essaye toujours de revenir à moi avant même de... C'est un essai, hein, ça ne marche pas tout le temps. On peut être fatigué et vraiment indisponible. En fait, quand c'est comme ça, il y a une méthode très simple, il faut le dire. Je ne sais plus, c'est écrit dans un livre. Il faut le dire, il ne faut pas hésiter, en fait. chérie, je ne suis pas bien en ce moment. Et je ne suis pas disponible. Je ne peux pas t'aider. Et donc, dans le gâta, on a entendu ce matin, pour les membres de l'inter-être, je fais le vœu d'apporter de la joie au monde. Alors là, il y a intérêt à pratiquer. Il y a intérêt à savoir comment toucher les graines de joie en soi avant de pouvoir les apporter ailleurs. Si vous faites une demi-heure de méditation assise et que vous ne ressentez que de la douleur, de l'ennui ou je sais pas quoi d'autre, c'est mal parti. Il faut beaucoup de patience. Il y a beaucoup de méditations assises, en fait, où c'est pas très facile, quoi, selon les personnes. Moi, c'est mon cas. Il y a beaucoup de fois où, oui, je m'assois une demi-heure, mais je respire mal, j'ai la tête complètement embrouillée. Il y a plein de trucs, quoi. Mais il faut beaucoup de patience. C'est le travail, c'est le travail normal. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas comme j'entends de temps en temps, « Ah, que c'est beau, c'est merveilleux. » Ouais, c'est pas tout à fait ça, en fait. Parce que... Mais je sais très bien, c'est comme ça. Quand c'est beau, c'est merveilleux, c'est les personnes qui ne pratiquent pas. Et moi, c'est beau et c'est merveilleux de temps en temps. Voilà. Un jour, je vais m'asseoir et tout d'un coup, le Bouddha respire. C'est pas moi. Et ça va durer quelques secondes, quelques respirations, quelques minutes. Et ça va repartir. Et là, je touche vraiment de la joie. C'est plus que de la joie. Je touche le bonheur. Savez-vous quelle est la différence entre la joie et le bonheur? Imaginez que vous soyez dans un désert et que votre gourde, c'est la dernière goutte. Et là, c'est pas la joie du tout. Et ça fait déjà pas mal de temps que vous marchez avec votre gourde vide. Et au loin, vous voyez une oasis. Alors là, vous courez de joie vers l'oasis, en espérant que ce n'est pas un mirage. Ça, c'est la joie. Mais au moment où vous serez à l'oasis, la tête dans l'eau, là, ce sera le bonheur. Le bonheur, c'est quand on consomme la joie. Quand je vais m'asseoir en méditation, j'essaye d'aller m'asseoir, même à la maison, hein, pas comme une mécanique, un rythme. J'essaye de que ce soit toujours nouveau, c'est toujours, de toute façon, c'est nouveau, c'est toujours la première fois ce jour-là. Il n'y a pas du tout de suite de la journée d'avant. J'essaye que ce soit toujours nouveau et j'essaye toujours de le faire sereinement. En sachant que je marche vers cette oasis. Voilà. C'est une manière de nourrir la joie. Je marche vers l'oasis parce que j'ai plus d'eau dans ma gourde. Et à un moment donné, un jour, dans une méditation, alors vous ressentirez le bonheur. Quand votre corps se met à respirer tout seul, mais que vous êtes pleinement attentif, à 100%, alors c'est le bonheur, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, on dit, le Bouddha respire pour moi. On n'a rien à faire. On a juste à être là, attentif, et à déguster, c'est tout. c'est comme une bonne glace, la vanille. Si on pratique comme cela à la maison, ça va avoir un effet très rapide sur votre vie quotidienne. Et ça va avoir un effet sur l'entourage immédiat. Il n'y a rien à faire pour ça. C'est naturel. Si on est plus posé, plus tranquille, plus calme, l'entourage va être sensible. Tout le monde sait très bien, si on est triste, en colère, énervé, l'entourage devient pareil. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Il y a très longtemps, j'ai expérimenté cela il y a très longtemps, mais sans trop savoir, mais maintenant aujourd'hui, je fais bien la différence. Un jour, après avoir été au village des Pruniers, pendant l'été, je suis revenu, je suis allé directement dans le Cantal. En fait, c'est pas bien loin, c'est à 150 km. Et c'était la période des foins. Les foins, vous savez, on coupe l'herbe, on laisse sécher. Quand c'est sec, on récolte. C'est un travail que je connais bien, hein, parce que quand j'étais petit, j'ai grandi dans cette ferme. Et cette année-là, donc je suis allé dans le Cantal, et la période des foins, donc beaucoup de travail. Donc naturellement, je participe au travail, je sais tout faire. Et je me souviens, j'ai pris un râteau pour ramasser l'herbe sèche, la rassembler, quoi. On ne laissait rien gaspiller autrefois. Rien, même pas un brin d'herbe, si possible. Et je me souviens que j'ai fait ça en méditant. Ça veut dire que j'ai fait ce travail-là, peut-être 3 fois moins vite. Mais par contre, je l'ai fait 3 fois plus longtemps, dans la durée. Et tranquillement, j'ai rattelé, sans effort, avec la respiration. Jusqu'au moment où c'était le monsieur chez qui j'ai grandi, hein, et il en a fait la remarque. Il a dit, Jean-Pierre, il travaille maintenant, il travaille, c'est plus lent, hein, c'est très lent. Mais alors, il a dit, c'est très beau, c'est très bien. Et venant d'un homme de la campagne, comme ça, où c'était des gens un peu rudes, je dirais même très rude. J'en ai beaucoup souffert. Hein. Et des paroles comme ça dans la bouche de ce genre d'homme, c'était plus qu'un compliment. Beaucoup plus. Donc si on est paisible et on fait quelque chose de paisible, on va toucher le cœur des autres. Et le meilleur endroit, c'est à la maison. Ou dans la communauté. La famille génétique ou la famille spirituelle. Si on devient membre de l'inter-être, ce n'est pas pour être sur le devant de la scène. C'est vraiment le sens en vietnamien des deux mots. Deep here. Il y a des sens très profonds, et notamment celui du service. On est au service. Partagez un peu les graines de joie. Voilà, et pour pouvoir arriver à ce quorum, arriver, participer à un week-end de plein concert ici, c'est notre semaine. Parce que quand nous autres, on a toute une famille, et parfois on quitte notre famille pour participer à une journée de plein conscience, un week-end de plein conscience. Et souvent, notre famille ne comprend pas, on n'est pas disponible pour et une des réponses que je donne, c'est que voilà, je participer à une journée de plein conscience, c'est pour, comme Jean-Pierre a dit, retrouver la joie, pour devenir meilleur, pour mieux être présent la prochaine fois à la maison. Voilà. C'est une façon d'expliquer qui est peut-être satisfaisant pour la personne à la maison. J'ai bien connu Thay Yaktan. C'était aussi un maître zen, un copain de Thay. Et il est resté quelque temps à la maison Fleur de Cactus. C'est la maison de l'Inspire, mais avant, l'ancienne maison en fait. Et il vivait là seul. Il vivait là tout seul. Et de temps en temps, j'allais le voir. Il nous voyait tous les week-ends. Et de temps en temps, j'allais le voir la semaine aussi. Parce qu'il était un peu seul, quoi. Et une fois, je suis arrivé et... Alors, on parlait très peu parce que à ce moment-là, le Vietnamien et moi, c'était pas vraiment évident. Et l'anglais, encore moins. Et pour lui, il parlait pas français. Mais on se comprenait. On se comprenait par la pratique, la présence. Et un jour, je suis allé et puis il m'a préparé du thé, comme vous avez vu. Une belle théière, très belle. Des tasses, vraiment. Et on a bu le thé. Et puis tout d'un coup, je lui demande... Mais cette théière, cette tasse et cette théière, elles sont vraiment belles, hein? Vraiment belles. Et il me dit, ah ben oui, bien sûr, elles ont 600 ans. Et moi, j'ai pris peur parce que je suis un peu maladroit. Cette tasse était vraiment fine, c'était translucide, d'une légèreté, là, la porcelaine chinoise. Et j'ai pris la tasse, j'ai dit, vas-y, tiens, reprends-moi tout ça. Et c'est l'anecdote avec lui. Et une autre fois où je suis allé, il était malade. J'ai dû le soigner. C'est quelqu'un qui était très doux. Très, très doux. Il est décédé. Oui. Il est décédé. Il était vraiment doux et... On s'est assis et puis on regardait la pluie tomber en silence. Juste ça, c'est tout. Je comprenais pas trop grand chose, mais je me sentais pas mal en fait. Et qu'est-ce qu'on chante maintenant ?